Chapitre 3e. L'issue secrète. Quand elle se vit ainsi enfermée et éloignée de tout secours humain, Diane prit effroi de son propre ouvrage. Elle avait compté, pour sauver Jacques, sur un délai qui eût permis à quelques serviteurs dévoués de pénétrer jusqu'à lui, de maîtriser l'effet du breuvage et de lui faire une révélation qui eût sans nul doute été suivie du châtiment immédiat des coupables. Maintenant, il fallait renoncer à ce facile triomphe. Diane était victime de son stratagème et Jacques allait passer de la vie au sommeil et du sommeil à la mort. Alors elle sentit sa tête s'alourdir et son regard se pétrifier. Toute son âme s'absorba dans un désespoir intérieur. L'image de Jacques souffrant, de Jacques mourant par elle, vint se poser devant ses yeux. Des notes funèbres bourdonnaient à son oreille. Elle succombait à sa douleur sans trouver même la force de lutter. Mais une fois ce rêve dissipé, le sentiment de la résistance lui revint peu à peu. Elle se fortifia par une prière et se mit, naïveté sublime, à fureter par tous les coins de l'appartement. Comme si, depuis le temps qu'elle l'habitait, elle n'en connaissait point par cœur toutes les dispositions les plus mystérieuses. N'importe, elle était captive, et à côté des angoisses les plus terribles, Dieu place toujours dans le cœur des prisonniers cette flamme que ni les voûtes humides ni le manque d'air ne sauraient éteindre. Ce rayon qui luit dans l'ombre épaisse des cachots, qui réchauffe la vie prête à se glacer et qui s'appelle l'espoir. Longtemps, ses recherches furent inutiles. L'élévation des fenêtres était d'ailleurs prodigieuse et rendait une évasion impossible. Nulle issue ne s'offrait à son œil fatigué. Tout à coup, et comme frappée d'une baguette magique, elle se précipita vers un trophée de vieilles armes qui, depuis des siècles peut-être, dormait paisiblement accroché au mur et sur lesquels la rouille avait séché le sang. En moins d'une minute, les épées damasquinées, les écus armoriés, les casques d'airain brunis, arrachés et dispersés par la main de Diane, tombèrent pêle-mêle à ses pieds. « Dieu soit béni !» s'écria-t-elle avec enthousiasme. « Il y a là une porte, une porte. Oh, mon Dieu, ne m'abandonnez pas !» Et sans perdre de temps, elle sonda l'épaisseur de cette porte et essaya de l'ébranler, résolue, si elle ne parvenait pas à l'enfoncer, de s'y ménager du moins une ouverture avec une pointe de lance ou la lame d'un poignard. Mais, presque aussitôt, elle reconnut que cette dernière ressource lui était ravie. Cette porte, au premier choc qu'elle lui fit subir, rendit un son métallique et vibrant. C'était un unique et lourd panneau de fer, solidement clos par une serrure en dehors. Cette serrure devait avoir sa clé, mais où était-elle? Qui l'avait? N'était-elle point égarée? Diane ignorait toutes ces choses et se voyait livrée pour la seconde fois à toutes les angoisses du désespoir et de l'anxiété. Les cloches tintèrent tristement par la ville. Diane courut au balcon et écouta. Des voix nombreuses s'appelaient et se répondaient. Les matelots vaguaient au hasard sur le port. Une sourde agitation régnait aux abords du palais. L'explication de ce mouvement inusité ne se fit point attendre. On vit bientôt flotter au sommet de la grande tour du château le drapeau noir qu'il était d'usage d'arborer à la mort des ducs de Naxes. Frappée de ce signe lugubre, Diane jeta un cri sauvage et cacha sa tête entre ses mains. La duchesse, à ce bruit aigu, se réveilla et fixa sur Diane un regard terrifié. « Qu'as-tu donc, mon enfant ? » murmura-t-elle en se cramponnant au dossier de son lit. « Et quel nouveau malheur ? Quel malheur ? » fit Diane en laissant éclater ses sanglots. « Vous demandez quel malheur ? Oh mon Dieu, si vous saviez !» Mais elle s'arrêta soudainement, car voyant la duchesse si faible et si pâle, elle craignit de rompre le dernier fil de sa vie par une aussi violente émotion. Cependant, le salut de Jacques dépendait peut-être d'un signe, d'un mot de la duchesse. « Où trouverais-je une bonne inspiration ? » pensa-t-elle, « si ce n'est dans le cœur de sa mère. » « Eh bien, » dit la duchesse avec effort, « eh bien, madame, Jacques, votre fils va mourir, assassiné par ses frères, et moi seul puis le sauver. »« Et pourquoi ne le fais-tu pas ? » reprit en bondissant la duchesse, dont les yeux jetèrent comme deux rayons lumineux. « Pourquoi ? Parce que l'on m'a enfermé ici, que je suis prisonnière et que cette porte est gardée. »« Tu peux le sauver, dis-tu ? » continua la duchesse qui semblait se débattre sous les tortures d'une pensée affreuse. « Tu peux le sauver, et tu es encore là ? » ?»« Ah, ce sont ses frères qui le tuent, n'est-ce pas ? Ces frères qui ont commencé par me clouer sur le lit de douleur et qui veulent m'achever en m'ôtant Jacques, mon seul amour. Oh, si je pouvais aller jusqu'à lui. Mais toi, Diane, par pitié, ne peux-tu courir à son secours ? Je vous le répète, madame, cette porte est gardée. Mais celle-ci, celle-ci, ne la connais-tu pas? J'ai vainement tenté de l'ouvrir, je n'en ai point la clé. Je sais où elle est, répondit la duchesse, à qui l'instinct maternel avait rendu toute son intelligence, toute son énergie. Aide-moi à marcher une minute seulement, et tu seras libre. La pauvre mère ne s'était pas levée depuis plusieurs mois. Dieu fit un miracle. Elle seule pouvait trouver la clé précieuse, qui était soigneusement cachée dans un coffre de bois de cèdre à compartiment secret. Elle en parcourut tous les recoins le plus vite possible, mais trop doucement encore pour son impatience et celle de Diane. « La voici, » dit-elle enfin de sa voix mourante. « Donnez !» s'écria Diane en la lui enlevant des mains. Puis, doutant encore de tant de bonheur, elle se hâta de gagner la porte pour essayer la clé. La porte céda, et l'œil de Diane plongea dans la spirale obscure d'un petit escalier de pierre. « Maintenant, madame la duchesse, dit-elle après l'avoir reconduite à son lit, faites des vœux pour que je revienne bientôt. Car ma mort suivra de près celle de votre fils. Où Jacques vivra, où vous ne me reverrez plus. »